بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. قل هو الله أحد. Dis, il est Allah unique. الله الصمد. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à lui.